Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Tout le personnel et la direction de BR Metal et sa filiale à Luco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Metal, situé au 353 rue Gustave Dessureau d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possibles les activités et merci de nous encourager. La chronique des Saguenay de Chicoutimi avec le descripteur des matchs des Saguenayens, Sébastien Morin. Je vous dis tout de suite, il y aura deux blocs dans la chronique des Saguenayens. Dans un premier temps, on va parler comme à l'habitude avec Sébastien Morin, mais dans un second temps également, on va parler avec Yannick Jean. La date limite des transactions est ouverte dans la Ligue de hockey du Junior du Québec. Déjà une transaction qui pourrait devenir importante, Julien Tessier. Quoi qu'il en soit, on va faire une pause et par la suite, c'est Yannick Jean. Mais dans un premier temps, on va parler avec le descripteur des matchs des Sags, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Sébastien, d'abord, il y avait qu'un seul match. Évidemment, c'est la période des fêtes actuellement, c'est la pause des fêtes et les Saguenayens ont joué un match d'une victoire de 2-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau. Exact. C'était du brillant du gardien du Drakkar dans le match de vendredi. Ça aurait pas été beaucoup plus que ça. Je pense que les Sags ont joué un bon match devant leurs partisans. Ça a été physique, ça a brassé. Une belle rivalité malgré un club peut-être qui va manquer d'attaque du côté du Drakkar. Ça risque d'être assez difficile là, les prochains matchs parce qu'on les affronte au moins 10 fois cette année. C'est pas toujours le fun d'avoir toujours le même club, je dirais, avec les Sags. Depuis le début de la saison, le Drakkar, c'est très, très difficile de leur côté, de l'attaque et tout ça. Vendredi soir, il n'y avait pas le goût de marquer des buts, mais il y avait le goût de frapper et de déranger l'adversaire. Ça a failli fonctionner. Heureusement, les Sags ont réussi à remporter. Donc, les Saguenayens qui terminent quand même la premier bloc, la pause des fêtes à 15 victoires en 16 défaites, une défaite en prolongation et 3 défaites en fusillade, 34 points. C'est vraiment intéressant compte tenu du lot. Je sais pas si c'est avec toi ou si c'est avec André Ouellet, lui qui fait mon collaborateur de la Ligue de hockey junior du Québec. Mais il y avait un paquet de 19 ans l'an passé et on n'avait pas cette fiche-là. Donc, c'est vraiment intéressant compte tenu ça, là. Exactement. Pour le futur, ça augure bien, je dirais, pour les Saguenay Chicoutimi. C'est difficile à vendre souvent ce genre d'affirmation-là. Les Cataractes de Shawinigan, par exemple, ont gagné la Coupe Memorial il y a 2 ans. Donc, c'est plus facile d'évoquer ou de parler de reconstruction. Chicoutimi, c'est un peu plus difficile. Mais cette année, c'est vraiment surprenant les résultats des Sags. J'en ai parlé souvent avec Yannick Jean. J'ai souvent dit qu'il considérait qu'il était en avance sur le processus dans sa tête. Et pas le choix de donner raison. C'est un meilleur début de saison comparable à l'année passée. Ça veut dire une équipe qui était très vieille. Cette année, l'équipe la plus jeune de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, on part d'un extrême à l'autre. Les performances sont meilleures cette année sur le point de vue des points de classement général. OK. Si on parlait maintenant des surprises et des déceptions du côté des Sags, t'es su à l'année longue. Ta plus grande surprise pour le début de la saison chez les Sags? Ma plus grande surprise, t'en es pas vraiment une, mais Nicolas Roy avec Jonathan Boursier, Nicolas Roy particulièrement qui est dominant depuis le début de la saison, depuis son retour, en tout cas l'entraînement des Hurricanes de la Caroline. Je me dis des fois, il faudrait pas qu'il soit trop bon cette année puis trop bon l'été prochain quand il va se présenter dans les Hurricanes. Des fois, il aurait l'idée de le garder en haut, tellement il est mature physiquement. Sur la patinoire, il est dominant présentement, c'est bon à voir sur la patinoire, puis un gars qui en bénéficie, c'est son duo sur son trio. Les inséparables Jonathan Boursier, là, sur le jeu de puissance, c'est sur les unités de 5 à 55, là, ça va très bien entre les deux. Ça, c'est très très fun pour les Saguenay. Jim Oubilia a eu quand même un gros début de saison, a été affecté par une blessure dans les dernières semaines, mais réussi quand même à lier quelques belles performances. C'est le fun de voir un gars comme Julio être capable de se battre devant son filet, d'aligner quelques performances de suite. Ça a permis aux Sags, avec l'ajout de défenseurs comme Gareth Johnson, ben ouais, de se resserrer défensivement. Un gars comme Frédéric Allard aussi, un bon début de saison offensivement, mais aussi défensivement. Puis une autre belle surprise, le changement de position de Louis-Philippe Simard, passé d'attaquant à défenseur, puis ça fait un défenseur qui est top 4 chez les Sags cette année, chose qu'on n'aurait jamais eu les moyens de se payer, à moins de sacrifier l'avenir chez les Féminins. C'est pas ce qu'on veut faire dans le plan de... OK, si on parlait maintenant, Sébastien, de cette transaction-là, Julien Tessier, qui a été obtenu du côté des Sea Dogs St. John, on a donné un choix de deuxième ronde, mais je pense que Yannick Jean, on va lui parler tout à l'heure, Yannick Jean voit quand même de belles choses. On dit que ça pourrait être un top 6. Hein. Exact. Mais c'est un long ouais, temps, comme on dit en bon québécois, mais c'est un prix très peu cher payé, je pense, pour un joueur de la trempe. De la chance qu'Yannick Jean vient de faire, puis il vient nous prouver encore une fois qu'il est capable de tu sais, Yannick Jean, depuis le début de son arrivée, tu sais, il envoie des joueurs ailleurs, mais il va chercher des joueurs semblables à coup moins. Cette année, pas le choix de leur donner raison qu'il est en train de bâtir un bon prix chez les Sags. Et effectivement, l'arrivée de Tessier, ça va être tout un ajout, je pense, chez les Sags. Puis oui, un bon geste capable de jouer, je pense, sur les deux premiers trios. OK. Sébastien, merci beaucoup de ta collaboration. On se reparle en début 2016. Je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Puis je pense que ça va être pas mal de fun également chez les Saguenayens pour la deuxième moitié de saison. Yes. Salutations aux gens du Haut-du-Lac. Puis vous êtes bienvenus. Oui. À pas manquer. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Après la pause, on parle avec l'instructeur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean. La direction et le personnel du garage Gérard Tremblay profitent de ce moment de réjouissance pour remercier sa clientèle qui l'encourage année après année. Joyeux Noël et bonne année! Ce sont les vœux du garage Gérard Tremblay situé au 165 boulevard Dequin à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-0060. Et n'oubliez pas que nous serons toujours là pour bien vous servir pendant la prochaine année. Ici Sylvain Rouleau, directeur de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur de la Caisse populaire des Jardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période d'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que 2016 vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Missassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est retour à danadosport.com. On vient de parler avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. Là, maintenant, on va parler avec l'instructeur-chef des Saguenayens, Yannick Jean. Yannick, tu as fait l'acquisition de Julien Tessier, qui est un joueur que tu as acquis des Sea Dogs St. John. Qu'on est allé chercher à Saint-Jean. C'est un joueur qui était repêché en premier rond l'an dernier. Puis c'est un joueur qui a des qualités, des habiletés individuelles évidentes. Va avoir la chance de se faire valoir sur les deux premiers trios. C'est un joueur offensif. On veut qu'il amène ses forces. On n'avait pas de joueur de 17 ans offensif, puis c'était un besoin criant pour notre organisation. Okay. C'est un joueur qui peut évoluer dans le top 6. Est-ce que tu prévois quand même être quand même actif d'ici 6 janvier? Non, pas très actif, surtout à l'écoute. Est-ce qu'il va y avoir d'autres transactions? Sûrement, mais pour l'instant, là, on va être patient, on va attendre, voir qu'est-ce qu'il va y avoir là, pour nous sur le marché. Puis, on a fait beaucoup de mouvements de personnel cet été. On est à l'aise avec l'équipe qu'on a en ce moment. Puis, on va attendre vraiment les offres des autres. OK. Tu es sûrement satisfait du. Si on enlève les 9 matchs, les 9 défaites du début de saison, il y a de quoi être content quand même de la progression de ton équipe, hein? Oui, mais même lors de ces 9 matchs-là, on voyait que ça s'en venait. On voyait que la chimie était en train de s'installer. Il manquait des choses de moins en moins là, petites choses qui ont, de plus en plus de petites choses qui ont fait la différence, là, au fur et à mesure que cette série-là progressait. Mais on sentait vers la fin que ça s'en venait, puis, j'étais extrêmement satisfait de la manière que le club a progressé. On s'était donné un an pour remodeler notre brigade défensive, étant donné qu'on avait juste un joueur qui était Frédéric Allard, qui revenait de l'an dernier. Puis, on est content de la manière que ça s'est passé. Et la question de Gus Johnson a vraiment stabilisé la défensive aussi, hein? Oui, c'était un morceau important. Julio Bivia qui a fait des gros arrêts pour nous, pas mon titre saison également. Louis-Philippe Simard, la transformation de Louis-Philippe Simard d'attaquant en défenseur a été pour beaucoup aussi. Okay. Ben Yannick Jean, je te souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de se reparler. Merci, joyeuses fêtes à vous aussi. Le chef des Saguenay, Yannick Jean.